inconscient de ce qu'on vit. On dit ce qu'on pense, le temps et la relance. La chance viendra chez l'innocent cerveau. Les cœurs se glacent dans le triangle mec, le yang plant sec, balacro, babac, piste, écho. Trop de clones désistent au micro, l'alliance se forme, le glaive sort du fourreau. Aucune commission ne pouvait laisser l'insoumis son dilemme. Je lève l'infanterie comme la Slovaquie prit la Bohème. Mais y'a un os, y'a mort de gosse, trop de conflits. C'est l'âge de Kali, confirme les prophéties. Le triangle maléfique de l'intérieur, on s'autodétruit. La guerre est devenue notre vie, Hiroshima s'est reproduit. Tous victimes, nos corps sont comme vidre et des nuggets. Paresse et mollesse, franchise la haine, dirige nos actes, c'est phénoménal. Les jours perdus à tort à travers, y'a plus de notion de morale. Drame sur drame, des gammes sniffent des cars. L'éthique c'est rétro, les politiques sont des faux. Leur opulence c'est de l'indécence. Évident, je prends les armes, chef de la résistance en France. Le profané est rendu sacré, le sacré est oublié. L'horreur est pardonnée, le triangle est polarisé. Le mal déguisé en bien plus corrosif que l'acide s'infiltre doucement comme les pères blancs en Afrique. L'œil dans la tombe, regardez K1. Stratégie militaire sauvage comme Attila le 1. Les graines du mal semées dans le temps se récoltent maintenant. Les fleurs du mal fortement enracinées pour longtemps. Où est la pureté, l'innocence, une feuille dans le vent? Où sont mes frères d'avant? Où sont mes sœurs d'avant? Les graines du mal semées dans le temps se récoltent maintenant. Où sont mes frères d'avant? Où sont mes sœurs d'avant? Le ciboulon vise dans le vice, pris piste, le mythe, le kyste. Le gratte pas bien à qui sur piste se présente. Sur track, ma dague, track, premier acte. Move black, j'arche l'axe impact, résistant intact. Diction MC impact, mission, envahir la terre à chaque chanson. 9-7, adopte les adeptes du concept, passé, oublié, la base des êtres pillés. Cours, les flammes nous entourent, le royaume flamme, les cœurs brûlent dans le triangle qui sert de sangle. Qu'on capitule, pas possible, cible nos pensées. Demeure dans les tranchées, incorruptible. Attitude apache, la mauvaise graine pousse la haine sérique. En fin de course au départ, le mage guide. En bas, pousse ton sol, l'empire se déploie. Troupe en formation, l'affirmation de Mars et son expansion. Déversée, en guerre, des vulcains pensants. L'école, elle s'amuse, elle s'amouvoir sur date, ce jour pour les prochains. Je suis le parcours de celui qui gêne, qui taille le jardin d'Eden à travers jour. Les ombres de la mort traînent, visent les âmes saines comme les malsaines. On traîne tous la même scène. Les graines du mal semées dans le temps se récoltent maintenant. Les fleurs du mal fortement enracinées pour longtemps. Où est la pureté, l'innocence, une feuille dans le vent? Où sont mes frères d'avant? Où sont mes sœurs d'avant? Les graines du mal semées dans le temps se récoltent maintenant. Où sont mes frères d'avant? Où sont mes sœurs d'avant? La vie d'un homme de sa naissance à sa mort est un combat. Tous les êtres humains vivant sur terre sont des soldats en pleine guerre. Pas de terrain neutre pour esquiver. Il faut s'adapter à la situation, être un guerrier, avoir des alliés pour mieux lutter contre le damné. La vie n'est pas facile pour nous, il est pour beaucoup. L'existence à la base est un chemin clair et net. À cause de l'assaillant, c'est le parcours du combattant. Un trajet au départ clean, semé de pièges par Shaitan et toute son armée de mauvais genoux. La guerre à toute l'humanité depuis Adam et Ève. D'une main de fer, ils lâcheront pas l'affaire. À nous de lutter, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Améliorer le quotidien, combattre le malin. Que nos vies soient carrées dans le triangle des permutes. Tel les prix qu'ils croyaient prendre, qui représente. Des simples combattants en formation, garçons en formation. L'alliance en finition rétablit le bon son. Sanction, le territoire en ébullition. L'énergie bis, celui pan de langue.